بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، toujours dans notre lecture de Kitab al-Tawhid de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah wa ta'ala et la hachia de Sheikh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah, on est arrivé au chapitre qui s'intitule Babun ما جاء في الرقى والتمائم. Donc le chapitre de ce qui concerne الرقى, c'est-à-dire les incantations ou الرقيه, ce qu'on connaît sous le terme de الرقيه والتمائم, les talismans, même si on a déjà parlé partiellement de ces sujets-là dans les chapitres précédents. Ici le shir veut montrer que le hukm de ces choses-là et qu'il y a certains détails dans ces choses-là. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le chapitre, dans le titre de ce chapitre-là, il n'a pas donné de hukm. Il n'a pas donné de hukm, mais il a simplement dit que ce chapitre il concerne ar-ruqa, les incantations, et at-tamaim, les talismans, sans donner de hukm. Permis, haram, shirk, pas shirk, etc. Pourquoi? Parce que simplement, comme le Sharih al-Muhashi, il dit, le Sheikh Ibn Qasim, c'est des sujets dans lesquels il y a des détails, et on verra quand même, concernant certaines choses, il y a même du khilaf entre les salafs. Donc, Sheikh Abdurrahman Ibn Qasim dit, concernant le titre du chapitre, أي من النهي عما يجوز من ذلك وذكر ما ورد عن السلف في ذلك ولم يجزم بكونهما من الشرك لأن فيها تفصيلا. Donc, comme on l'a dit, donc ce qui concerne les incantations et les talismans, c'est-à-dire ce qui concerne l'interdiction, ou ce qui concerne dans ces sujets-là l'interdiction, ce qui est interdit dans ces choses-là, c'est-à-dire dans les incantations et dans les talismans. Et le Shir Mohammed rahimahullah, il a cité dans ce chapitre-là ce qui nous est parvenu des salafs. Et comme on l'a dit, il n'a pas donné de hukm dans le titre, puisque c'est un sujet où on doit détailler. Il y a des choses qui sont permises, des choses qui ne sont pas, et des choses qui sont du shirk. Ici, Dom, il dit « وَالرُّقَى جَمْعُ وَرُقِيَ وَهِيَ الْعُوذَ الَّتِي يُرْقَى بِهَا صَحِبُ الْآفَةِ كَالْحُمَى وَالصَّرْعَ » La ruqya, ou ruqa, Warruqa, ce qui vient dans le titre, Warruqa, c'est le pluriel de Ruqya. Ruqya, c'est, comme on l'a dit, des incantations par lesquelles on recherche à repousser un mal ou à demander à Allah subhanahu wa ta'ala une guérison sur celui, donc sur celui dont les incantations sont lues ou appliquées. C'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est utilisé donc pour quelqu'un qui est atteint, soit comme on l'avait vu, de maladies comme le huma et le sar, maladie qui touche la fièvre, ou on avait vu aussi qui faisait ça, minel aïn, du mauvais œil, et d'autres maladies où la ruqya est légiférée. Comme on l'avait vu dans le troisième chapitre du livre, lorsqu'on avait parlé du tawhid complet. Et on avait cité le hadith de Buraïda, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « La ruqyata illa min aynin aw huma » je regardais juste si je retrouvais le hadith. Naam, le hadith, donc c'était hadith de Bouraïda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait La ruqyata illa min aynin aw huma. Par contre, le hadith c'était huma, c'est-à-dire la piqûre d'insectes, puisque c'était le cas du tabi'i qui rapportait l'histoire, Hussein ibn Abd al-Rahman, le hadith de Sa'id ibn Jubir qu'on a vu dans le troisième chapitre. Ici, il cite l'humma, qu'al-humma wa sarh. L'humma, c'est un mal qui donne une forte fièvre, wa sarh. Peut-être comparé à Allah ou Alam, ils appellent ça sarh, l'épilepsie ou ce genre de choses. Mais contre l'aïn aussi. On avait vu que contre l'aïn, la ruqya, c'est un des remèdes. La maladie qui est repoussée le mieux par la ruqya, c'est l'aïn. Donc, l'un des remèdes les plus efficaces contre l'aïn, la ruqya. Comme on va voir après, Inch'Allah, en détail. Wa tama'im jam'a tamima. Tama'im, c'est le pluriel de tamima. Tamima, les talismans. C'est-à-dire les choses. Un objet qui est conçu de diverses choses et qui est en général accroché au cou, à la main ou ailleurs. Nos kharazat, donc c'est des pierres où on avait vu qu'ils prenaient aussi des coquillages et que les Arabes utilisaient dans le Jahiliya et qu'ils accrochaient le plus souvent autour du cou de leurs enfants, à leurs bras, à leurs pieds et pour les protéger du mauvais œil. Pour les protéger du mauvais œil, encore une fois, on sait que les Arabes de ce temps-là, ils prenaient ça comme sebeb. Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, ils prenaient ça comme sebeb pour qu'Allah Jalla wa'ala les protège du aïn. Ils n'avaient pas une croyance dans l'objet en lui-même, que l'objet en lui-même possède le moyen de repousser un mal ou d'apporter un bien. Ce n'était pas leur croyance. Mais ils prenaient ça comme sebeb. Et ils ont appelé ça tamima. On avait vu qu'ils ont appelé ça tamima. يديو التمائم جمع التميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم ويتلمحون من اسمها أنه يتم لهم مقصودهم فأبطلها شرع. Ils appelaient ça tamima comme un petit peu manière de donner le bon augure ou le fait que en portant cette chose là qu'Allah Jalla wa Ala il accomplisse ce pourquoi ce talisman-là, il était porté. Donc, soit repoussé à mal, ou etc., l'ayn, etc. Comme ils avaient appelé, on avait vu, le wada'a, des coquillages pareils qu'ils prenaient pour repousser l'ayn, pour, ils l'avaient appelé comme ça, pour obtenir quoi? Le da'a, c'est-à-dire la tranquillité, le repos, et de ne pas être touché par l'ayn ou les djinns, etc. Et dans ce chapitre-là, le shir commence à citer un hadith qui est rapporté dans les deux sahih, dans le Bukhari et Muslim. Donc il dit fi sahih, c'est fi sahihayn, an Abi Bashir al-Ansari, annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd asfarihi, farsala rasulan alla yabaqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin. أو قلادة إلا قطعت. Donc le sens approché du hadith, donc dans les deux sahih rapportés par Abi ou Abu Bashir al-Ansari. Et il rapporte qu'il était avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'un de ses voyages et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il envoyait un messager en disant qu'il ne reste autour du cou des bêtes aucun qilada, c'est-à-dire aucun pendentif qui provient de la corde d'un arc, comme on verra le sens, ou dans une autre, là on verra qu'il y a le rapporteur du hadith, il doute, il a dit soit un pendentif provenant d'une corde d'un arc, donc fait avec la corde d'un arc usé, soit un pendentif tout court, qilada. Tamima, qilada, yani, talisman, pendentif, le sens c'est à peu près le même. Sans qu'il ne soit coupé. Sans qu'il ne soit coupé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ce qu'on coupe, à ce qu'on arrache tout pendentif mis autour du cou des bêtes. Ensuite, on verra concernant le doute du rapporteur, est-ce qu'il s'agit simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a visé simplement ce qui était fait avec les cordes d'arc ou est-ce que c'était une parole générale? Tout pendentif. Donc là, il parle du rapporteur du hadith, Abu Bashir al-Ansari, il dit bi fath al-ba wa kasr al-shin, c'est-à-dire Bashir, Abi Bashir. قال ابن سعد اسمه قيس ابن عبد الله ويقال ابن عبيد ابن الحريث بمهملتين مصغر الحارث ابن عمرو ابن الجعد الساعدي ويقال المازني من بني مازن ابن النجار وقال ابن عبد البر وغيره لا يوقف له على اسم صحيح شهد الخندق وأحد وهو غلام روى عنه عباد وعمارة وغيرهما ومات بعد 60 ويقال إنه جاوز 100 وحديثه في الصحيحين وغيرهما. Donc il nous parle du compagnon. Bon, il y a un khilaf entre les ulama sur son nom. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, il dit qu'on ne connaît pas, il n'y a rien de sahih, il n'y a rien d'authentique concernant son nom. Il y a qui ont dit qu'il s'appelait Qais, Ibn Abdillah, d'autres ont dit Ibn Ubayd, Ibn al-Hurayth, il a akhiri, al-Muhim. Il n'y a pas de nom sahih, il a participé donc à la bataille, grande bataille de l'Khandaq. Il a participé à Uhud alors qu'il était encore jeune. Et on a rapporté de lui, Abbad a rapporté certains hadiths de lui, Imara et d'autres. Et il est mort après l'année 60 de l'Hégire et il est dit qu'il avait dépassé les 100 ans. Il avait dépassé l'âge de 100 ans. Allah. Son hadith, il est dans les deux sahih et dans d'autres. Dans d'autres livres de hadith. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. Il était avec l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم dans l'un de ses voyages. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى dit qu'il bon, il s'est pas attardé à chercher lequel de ses voyages il s'agit puisque bon, ça a pas d'importance concernant le hukm shar'i. On voit que l'ahl al-ilm il ne s'attardait pas sur des choses qui n'ont pas d'importance, comme là ici, ce qui est voulu dans ce hadith-là, ce qu'on tire du hadith, que ce soit dans tel ou tel voyage ou dans telle ou telle bataille, ça n'influe pas sur le hukm qu'on sort du hadith. Et le messager. Donc, farsala rasoulan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un messager, et c'était Zayd, il dit, wa huwa Zayd ibn Haritha, radiallahu an, kama rawahu al-Harith ibn Abi Usama fi Musnadi. Le messager, c'était Zayd ibn Haritha, comme l'a rapporté Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Et donc dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Alla yabaqayanna, ou on peut lire aussi Alla yubaqayanna. Il dit yabaqayanna bil ya al-muthanna wal qaf al-maftuhatayn wa yahtamil an yakunna bil dhamm al ya wa kasr al-qaf. C'est-à-dire Alla yabaqayanna fi raqaba ba'irin qiladatun. Qu'il ne reste pas autour du cou d'une bête un pendentif. Donc ici, qiladatun, il est fa'il, sujet. Walla yabaqayanna, c'est le verbe, c'est un verbe lazim. Yabaqayanna, qiladatun, qiladatun, fa'il. Si on lit, la yabaqayanna, fa'il muta'addi, qiladatan, maf'oul bihi, c'est ce qu'il dit après ici. Il dit, wa qilada, fa'il ala l'awwal, wa maf'oul ala l'thani, وهي ما يعلق في رقبة البعير وغيره. Donc c'est la قلادة. Ils appelaient ça ce qui est accroché autour du cou de la bête ou autre, c'est-à-dire وغيره ما يعلق في رقبة البعير وغيره. C'est ce qu'on attache autour du cou de la bête ou d'une autre chose. C'est-à-dire, encore une fois, comme on l'a dit ici, l'important, ce n'est pas le genre de choses qu'on accroche, une pierre, un coquillage, un œil, une main de Fatma ou je ne sais quoi. C'est pas ça l'important. L'important, c'est ce que la croyance qu'on avait les gens. Pourquoi les gens ils prenaient ça? Pourquoi ils accrochaient ça sur eux? De la même manière, il dit aussi ici, ma yu'allaq fi raqabatil ba'ir, fi raqaba, c'est-à-dire autour du cou. Mais ça peut être aussi, là aussi, ça n'a pas d'importance. Ça peut être autour de la patte, autour du poignet, autour de la cheville, autour d'eux, etc. Simplement là, il décrit quelle était la réalité de ces choses-là à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se trouve que les gens qui faisaient ça l'attachaient le plus souvent autour du cou des bêtes ou à leurs enfants. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit ça dans ce hadith. Et ça ne particulier particulier c'est ça rend pas le hadith particulier. C'est pas un tarsis. Si la personne elle porte le même type de choses au bras, au pied ou je ne sais où ou accroché au mur, le hukm reste le même. Puisque la cause du hukm, la cause du statut de cette chose-là, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une croyance en cette chose-là que c'est un sebab. C'est ça ce qu'on appelle illat ou manat al-hukm. C'est pas le fait que ça soit telle chose, tel pendentif accroché à tel endroit, etc. C'est pas ça qui influe dans le statut de la chose, dans le hukm. C'est ce qui influe, c'est le fait que ces gens-là y étaient accrochés par leur croyance en pensant que c'était un sebeb pour repousser ou se protéger du ayn. C'est pour ça qu'il dit وَهِيَ مَا يُعَلَّقُ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ يعني وَغَيْرِ الْبَعِيرِ. Ça peut être الْبَعِيرِ, ça peut être un enfant, ça peut être au mur, ça peut être à la voiture, là, ceux qui mettent des trucs accrochés là au rétroviseur, etc. Il dit مِنْ وَتَرٍ وَنَحْوِ. Là aussi, il dit مِنْ وَتَر, on verra que le water, c'est quoi? C'est la corde de l'arc. Ils avaient pour habitude, lorsque la corde de l'arc, elle commençait à être usée, ils la changeaient, ils en mettaient une neuve, et la vieille, usée, ils l'utilisaient comme pendentif pour mettre autour du cou de leur bête. Mais ici, donc ça c'est le watar. Qiladatun min watarin. Mais si c'est pas min watar, si la croyance, encore une fois, de la personne qui attache cette chose-là, même si c'est pas un pendentif qui est fait de la corde d'un arc, si c'est la même croyance et que cette personne-là, elle prend ceci comme sebeb, alors que c'est pas un sebeb légiféré, le hukm est le même. Comme les ulama disent, la règle bien connue, al hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. C'est-à-dire que le hukm, le statut d'une chose, il est lié à sa cause. C'est-à-dire, si la même cause, on la retrouve, alors le hukm, il est thabit. On va donner le même statut à la chose. C'est-à-dire que si c'est pas même un pendentif qui est fait avec la corde d'un arc, si c'est fait avec autre chose, à partir du moment où l'illah, la cause, c'est-à-dire le fait d'y accrocher une croyance et de prendre ça comme sebeb, si on a cette cause-là, le statut est le même. Shirk asghar, haram. C'est ça qu'il veut dire ici. C'est pour ça qu'il dit wa nahwi, que ce soit min watar ou ghayrihi. Non, il dit wal ba'ir yaqa'u 'ala adh-dhakari wal untha wa jama'ahu ab'ira wa aba'ir wa bu'ran wa bi'ran. El ba'ir, quand on dit le ba'ir, on appelle le ba'ir l'animal, qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle. Et il y a plusieurs pluriels, Ba'ira, wa Ba'ir, wa Bu'ran, ou Bi'ran. Ensuite, ici, il nous explique ce que c'est le Watar. Ou le Wataru, Donc, bifathatayn, wahidu awtar al-qaws. وكان أهل الجاهلية إذا خلوا لقى الوتر أبدلوه بغيره وقلدوه الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن دابة العين ويدفع عنهم المكاره فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنها لا ترد من أمر الله تعالى شيئا. Donc, le watar, c'est la corde d'un arc. Et comme on l'a dit précédemment, les gens de l'Jahiliya, lorsque la corde de l'arc elle s'usait à force de l'avoir utilisée, ils la changeaient et c'est la vieille, ils l'utilisaient pour en faire un pendentif qu'ils accrochaient au cou des bêtes pour les protéger du aïn. Et ici, ils citent ce qu'on appelle l'illat al-hukm, ou le manat, la cause du statut. Par croyance qu'ils avaient que ce pendentif là il va le repousser, il est un sebeb pour qu'Allah Jalla wa'ala, il faut comprendre ça comme ça, il est un sebeb pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les protège, ou il protège la bête ou l'enfant du mauvais œil. Ça c'est le statut, ou c'est la cause du hukm, illat al-hukm, manat al-hukm. C'est-à-dire, si on retrouve cette cause-là dans un autre objet, la main de Fatma, les trucs qu'on connaît nous à notre époque, la main de Fatma, l'œil, ou d'autres choses qu'on retrouve nous à notre époque, ou ceux qui attachent aussi une misbaha, une sabha, ou la, au, on s'appelle au rétroviseur de la voiture, etc., ou d'autres choses, et un petit mushaf, ils mettent, etc., même si on verra que ça y a un khilaf, on verra que, où le hukm s'applique. C'est le même statut parce que c'est la même croyance. Donc ce qui est important, ce n'est pas de quel type d'objet il s'agit et où il est accroché, mais c'est la croyance qui est liée à cet objet-là. Le fait de le prendre, de croire que c'est un sabab. Et là, comme on l'a dit dans le hadith, on voit qu'il dit « Qiladatun min watarin au qilada illa quti'at » Il dit ici, il dit شك وشك الراوي هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. Donc ici il y a un doute du rapporteur. Est-ce que son cheikh il a dit قلادة من وتر ou il a dit قلادة? Le sens ici, c'est que si on dit qiladatun min watar, c'est-à-dire un pendentif qui a été fait à partir de la corde d'un arc, on voit qu'ici c'est un pendentif bien spécial. Et que si c'est ça la version qui est la plus juste, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ce qu'on coupe les pendentifs, mais qui étaient faits de ces choses-là, pas les autres. Si on dit qiladatun, sans min watarin, parce que min watar, jar wa majrur, ça implique, ça met une condition supplémentaire. Il faut qu'il, pour appliquer le hukm du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pour le couper, il faut qu'il soit fait à partir de la corde d'un arc. Ou s'il a dit qiladatun, alors là c'est mutlaq, c'est global, ça, c'est la généralité. Tout ce qui est qilada pendentif autour du cou des bêtes, on enlève tout. Sulayman ibn Abdullah rahimahullah, il dit dans At-Taysir al-Aziz al-Hamid, dans son charh, il dit que la version la plus juste, c'est la version où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qiladatun min watarin, parce que c'est la version qui est rapportée dans le Bukhari et Muslim. Et il dit warui عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. الإمام مالك il a été interrogé concernant القلادة, donc ce pendentif là, et il dit je n'ai entendu. Donc pour l'imam Malik, le sens, lui, il n'a entendu concernant le hukm de l'interdiction et du fait de le couper que concernant le pendentif ou le qilada qui est fait à partir d'une corde d'un arc, donc minel watar. Donc pour l'imam Malik, le hukm il est khas concernant ce type de pendentif-là. Et donc ça rejoint, comme Sulayman ibn Abdullah dans At-Taysir, il a dit, ça rejoint la riwaya qui est rapportée dans les deux sahih, dans le Bukhari et dans le Muslim. Et dans Sunan Abi Daoud, on a Wala Qilada, sans Minwatarin, sans la condition. C'est-à-dire que ça concerne tous les pendentifs qui sont mis autour du, ou tous les colliers, tous les pendentifs qui sont mis autour du cou des bêtes. Il dit Biraïri Shek. Et dans la version d'Abu Daoud, il n'y a pas le doute qu'on retrouve dans la version que le Shir il a citée. Il dit Fatakunu au bimana al-waw. C'est-à-dire, si on dit que la version d'Abu Daoud c'est la plus juste, alors la version du hadith qu'on a lu avant, c'est Qiladatun min watarin. أو بمعنى و وقلادته والله أعلم. البغوي دي تأول الإمام مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنهم من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من الله شيئا. Donc l'imam al-Baghawi, rahimahullah, il dit que l'imam Malik, il a interprété la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans son ordre de couper tous ces pendentifs-là qu'on accroche autour du cou des bêtes. Et il dit qu'il l'a interprété comme étant, ou du moins, il a, l'imam Malik, il a montré que la cause, c'est à cause du Aïn. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les mouchriquins, lorsqu'ils voulaient faire ça pour leurs bêtes, ils utilisaient quoi? Ils utilisaient un pendentif fait d'une corde d'un arc. Et celui qui mettait un pendentif qui n'était pas forcément quelque chose qui est fabriqué à partir de la corde d'un arc, ça ne voulait pas forcément dire qu'il cherchait à faire ceci. Alors que celui qui faisait ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de couper son pendentif parce qu'il le faisait en général pour ça, c'est ce qui a été propagé à leur époque. Donc là, il répète que dans l'habitude des Arabes, ils accrochaient donc ces cordes d'arc, ces talismans, autour du cou de leurs bêtes et il recherchait par ceci à les protéger du mal du Aïn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a interdit ça et il leur a montré que ce n'était pas un sabab shar'i, que ce n'était pas une cause légiférée et qu'on ne pouvait pas prendre ça comme sabab et que ce sabab-là, Allah jalla wa ala, ne créait pas ce qu'on appelle le musabab, c'est-à-dire la conséquence. Le fait de prendre une chose comme sabab, si c'est quelque chose de légiféré, alors Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui prend le sabab légiféré et qui place sa confiance en Allah, tawakkul, alors Allah jalla wa ala, il y a de bonnes probabilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il crée le musabab, il lui donne ce qu'il a voulu, ce qu'il a recherché par cela. Or, on avait vu que celui qui prend un sabab qui n'est pas un sabab permis, légiféré, Allah Jalla wa Ala, il le rétribue par l'inverse de ce qu'il a voulu faire, comme on l'avait vu dans le chapitre précédent. Donc quand il dit ça ne repousse pas, ça ne change pas le qadar, en réalité ça n'a aucun effet sur ce qu'Allah Jalla wa Ala a prédestiné. Le sens c'est que ce n'est pas un sebeb permis, mais c'est un sebeb qui est interdit et c'est une sorte de shirk asghar et c'est pour ça que le shirk il l'a cité ce chapitre-là. Encore une fois, il l'a dit à la fin du chapitre numéro 6, donc le chapitre du sens de l'explication de la ilaha illallah. Il a dit que tous les chapitres qui viennent après ce chapitre-là sont une explication de cette shahada. Et donc, il explique des fois la shahada directement par son sens, mutabaqatan, comme on l'a vu, ou en citant des choses qui vont s'opposer à la shahada, que ce soit du shirk akbar, mais ici, il a commencé par, comme on l'avait dit, par le shirk asghar, et fait partie du shirk asghar, le fait de prendre un sabab qui n'est pas permis. Donc ici, il y a une faïda quand même, c'est que ce qu'il faut comprendre de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné. Donc il a fait passer un message par Zayd ibn al-Haritha, il a ordonné que tout pendentif fait à partir d'une corde d'un arc qu'il soit coupé. Sans chercher à comprendre, est-ce que la personne qui l'a mise, est-ce que vraiment il a pris ça comme sebeb, est-ce que vraiment il a cru ça, etc. Maintenant la question, est-ce que, comme on l'a dit, est-ce que si quelqu'un il attache un pendentif ou un talisman au cours d'une autour au cou autour du cou d'une bête ou de son enfant, mais qu'elle ne fait pas partie, même à leur époque-là, de l'Ouattar, que c'est un talisman, on va dire un autre talisman fait d'une autre chose, est-ce que le hukm, il change? Non, le hukm, il change pas. Mais simplement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on coupe ce type de talisman parce que c'est ce qui était propagé à leur époque. Encore une fois, on prend en compte le fait de croire que c'est un sabab. Après, selon les époques, il y a telle ou telle chose qui est plus propagée qu'une autre. Si à notre époque, on sait que la majorité des gens qui utilisent l'œil ou la main Fatma, qu'ils utilisent ça pour soi-disant repousser l'aïn ou quoi, alors là, de la même manière, une fatwa, ce serait de couper ces choses-là ou d'enlever ces choses-là des murs, des voitures, des coups, etc. Parce que c'est ce qui est propagé, c'est la croix, ce qui est propagé. C'est la croyance que ces choses-là sont des causes pour qu'Allah Jalla wa Ala repousse les aïn, et donc là, ça prendrait le hukm de l'qiradatun min watar dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, le hukm, ils disent, yadouru hawla illatihi wujudan wa adama. Non. Et là aussi, on ne prend pas. Si admettons à une époque, il y a un genre de talisman qui est propagé chez les gens, donc on sait que la majorité des gens, ce qui est propagé, c'est qu'ils prennent ceci comme sebeb pour repousser un mal, on va retirer ces choses-là. On ne cherche pas à comprendre si par exemple on arrive chez quelqu'un, ou quel est le hukm plutôt, la question, quel est le hukm de celui qui va porter ce genre de talisman, mais sans en avoir la croyance. C'est-à-dire que tu vas arriver chez lui, tu vas lui interdire ce mal-là, tu vas lui dire enlève ça, etc. Il va te dire, oui, mais moi j'ai pas la croyance, je crois pas que c'est un sebeb. C'est décoratif, c'est autre chose. Mais les ulama, ils tirent du hadith l'interdiction de porter cette chose-là. Même ce qui est une croyance ou qui est pas de croyance. Parce que ce qui est voulu, c'est qu'à ce moment-là, à cette époque-là, cette chose-là, elle est prise comme sebeb par les gens pour repousser un mal. Or, toi, en mettant ça, tu rentres dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. Toi, tu ressembles à des gens qui portent une chose, ils prennent cette chose-là comme sebeb, donc un sebeb qui est interdit, haram, pour repousser un mal. Chose qui fait partie, une sorte de shirk. Toi, en le mettant, tu les imites. Or, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à ce qu'on copie. Les gens qui font ce genre de choses. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Ya fi tashabbuh. Le fait de porter par exemple aujourd'hui une main Fatma ou un œil ou je ne sais quoi, on va ressembler à la majorité des gens qui prennent ça comme sabab pour repousser un mal. Donc même si la personne elle va prétendre qu'elle n'a aucune croyance dans cette chose-là, que c'est décoratif, que c'est un cadeau, etc., comme les gens ils disent en général, le hukm reste. On n'a pas le droit de le porter. Évidemment, quand il y a la croyance, l'attachement du cœur, qui en plus est là, là, bon, c'est un autre sujet. Là, ça rentre dans le shirk. Et s'il pense que la chose-là, comme ça s'est propagé aujourd'hui, que cette chose-là en elle-même, elle a le pouvoir de repousser un mal. Quoi? Bon, là, clairement, c'est du shirk akbar, faire au boubouya. Une chose qui n'était pas le cas à l'époque des mouchriquins, encore une fois, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait pas cette croyance-là. دي وجه الدلالة من الحديث أن الأوتار والتمائم في الحكم شيء واحد ويؤيده قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلأتم الله له. Et donc, la manière comment on comprend ce hadith, ou du moins, comment on utilise ce hadith-là comme preuve, c'est que Al-Awtar, donc les pendentifs faits à partir de cordes d'arc, et les talismans ont le même statut. Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed, on avait dit que c'était un hadith sahih. Man allaqa shay'an, ou man allaqa tamimatan, faqad ashrak. Celui qui porte ou qui accroche un talisman, il a commis du shirk. Et ici, il nous cite le hadith avec Al-Qiladatun min Watarin. Mais à partir du moment où ce qui est voulu, c'est la même chose, qu'on appelle ça Qilada, qu'on appelle ça Tamima, qu'on appelle ça Man Fatma, ou Aïn, ou Kharazat, etc., ça n'a pas d'importance, qui est Al-Ibrabi. Qu'est-ce que la personne elle a voulu faire en accrochant ces choses-là, et quelle croyance elle a attachée à ces choses-là. Donc ça, c'est concernant le hadith de Abu Bashir al-Ansari. Deuxième hadith qui cite le shir dans ce chapitre-là, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, où il dit قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه الإمام أحمد وأبو داود. Donc, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu dire, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou Abdullah ibn Mas'ud, il a entendu dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les incantations, inna ruqa, les incantations, et tama'im, les talismans, wa tiwalata, on verra ce que c'est tiwala, shirkun, sont une forme d'association, rentre dans le shirk. C'est rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Abu Daoud, et c'est un hadith qui est sahih. C'est un hadith qui est sahih, et c'est le hadith aussi peut-être qui est le plus tranchant dans le hukum dans ce chapitre-là. Comme on l'avait vu dans le chapitre précédent, ou le hadith qu'on a cité avant, hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, من علق تميمة فقد أشرك. On avait dit que sur le hukm des talismans, c'est le texte qui est le plus clair dans le hukm. Parce qu'encore une fois, dans le premier hadith, donc c'est un hadith qui est sahih, mais on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné quoi? Qu'on coupe les pendentifs faits de cordes d'arc, qu'on les coupe. Mais il y a, même si on comprend, comme on l'a vu, que ça a le même hukm que les talismans, parce que c'est la même croyance, le hukm, il n'est pas cité clairement dans le hadith. Il n'a pas dit « Inna la qilada min watarin shirk ». Mais à partir du moment où ça a exactement le même sens que le talisman, ça prend le même hukm que le tamima, que le talisman. C'est lié encore une fois à la croyance. Mais ici, dans ce texte-là, le prophète sallam, il a dit quoi? Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata shirk. Les incantations, ce qu'on appelle ruqya. Mais on verra qu'ici, il y a du détail. Wa tamaim. Les talismans, là on verra que les salaf, ils ont divergé concernant le talisman fait avec le Coran ou fait avec des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou at-tiwala shirk, on verra que at-tiwala c'est une forme de sorcellerie par laquelle les femmes attiraient ou provoquaient. Il pense que c'est un sabab pour qu'Allah Jalla wa Ala crée l'amour de la femme dans le cœur de son mari. Pour rapprocher son mari, ce que certains ulama ils ont appelé l'atf, sarf ou l'atf. C'est-à-dire soit repousser la femme de son mari, soit l'attirer vers son mari, etc. Et c'est, comme on le verra, une sorte de sihr, de sorcellerie. Donc ça, on verra que c'est du shirk asghar. Il n'y a pas de détails concernant At-Tiwala. Par contre, il y a un détail concernant Ar-Ruqa. Il y a un khilaf concernant At-Tamaim, les talismans qui sont faits avec le Coran. Il y a un khilaf chez les salaf. Donc, ce hadith-là, le Cheikh Abdurrahman il dit: Wallafdhuhu an Zaynab, imra'ati Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. هما أن عبد الله رأى في عنق خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه ثم قطع ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولاة شرك. فقلت لقد كانت. فقلت لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيدي فإذا رقي كف عنها فإذا رقى كف عنها إنما كان يكفيك أن تقول كما كان صلى الله عليه وسلم يقول اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الصحيح وأقره الذهبي. Donc le hadith là, il a une histoire. Le shir ici, il a cité l'histoire de manière résumée. Donc l'histoire, c'est que Zaynab, la femme d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, elle rapporte que Abdullah, son mari, il a vu autour de son cou un pendentif, khayt, fait à partir d'une ficelle. Et il a dit, qu'est-ce ceci? Et elle a répondu, c'est un pendentif dans ou sur lequel on a lu des incantations. On a fait une ruqya sur le pendentif, ensuite elle l'a porté. Et Abdullah, radiallahu anhu, il l'a pris, il l'a arraché, il l'a coupé. Et il a dit, vous êtes la famille de Abdullah, qui se passe, qui n'ont pas besoin du shirk. Qui n'ont pas besoin de faire ces choses-là pour repousser un mal. Elle dit, celui qui a fait la ruqya, c'était Yahudi. Un juif. Et lorsque il prononçait les incantations, elle avait un genre de maladie, son œil qui bougeait ou quelque chose comme ça. Et elle dit que lorsque ce juif il récitait les incantations, alors son mal il se calmait. Et Abdullah radiallahu anhu, il dit ceci venait de Shaitan, lorsque il lisait les incantations. Alors le shaitan, il l'a laissé tranquille pour l'égarer. Et Abdullah il dit, et il t'aurait suffi de dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rapporté. Donc ça fait partie de ruqiyya shara'iyya, des incantations prophétiques qu'il convient au malade de prononcer sur lui-même. Lorsqu'il est malade, dhib al-bas, qui s'adresse à Allah jalla wa ala évidemment. Ô Allah, ô Seigneur des hommes, fais partir ou chasse le mal et guéris Tu es le guérisseur, nulle guérison en dehors de la tienne, une guérison qui ne laisse aucun mal. Donc ça fait partie de Ruqya al-Shar'iyya qu'on peut tous utiliser quand on est touché d'une maladie ou d'un mal. اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر السقما. Ça on peut le réciter sur soi-même. Comme on l'a dit, rentre dans tahqiq al-tawhid, le fait de réaliser un tawhid complet, le fait de la ruqya, de ne pas la demander à Pierre, Paul ou Jacques, mais de la faire sur soi-même, ça fait partie des meilleures ruqya. Hadith, il est rapporté par Ibn Majah, Ibn Hibban ou l'Hakim. L'Hakim dit que c'est un hadith sahih et l'approbation de l'imam al-Zahabi. Donc c'est une ruqya shar'iyya qu'on peut utiliser. Ensuite ici, il va commencer à citer, à dire concernant ar-ruqa. Puisque on a vu que ar-ruqya, on a vu que ar-ruqya, les incantations à la base, c'est quelque chose qui est permis ou même recommandé et même récompensé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui peut profiter à son frère, qui lui profite, c'est-à-dire en faisant ruqya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit, on sait qu'il a pratiqué ruqya sur ses compagnons, que Jibril alayhi salam, il a pratiqué la ruqya sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été touché par le sihr d'un juif, etc. Ou d'une juive, etc. Donc la ruqya, c'est quelque chose qui est légiféré, mais il y a des conditions. Et il y a des détails à citer. Il y a parmi la ruqya, il y a des choses qui rentrent clairement dans le shirk, et il y a des choses qui sont interdites. Et on va voir que ce qui est voulu dans ce hadith-là, évidemment, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là, il dit « Inna ruqa » à la fin, il dit quoi ?« Shirk »« Inna ruqa shirk » Est-ce que toutes les ruqyas sont du shirk? Bien sûr que non, ce n'est pas ce qui est voulu. Et on va lire ce qu'il nous dit « Wal murad bil ruqa al manahi anha ma kana min jis ruqa al jahiliya » Yani shirkiya. « Wa tamaim ma yu'allak ala al hayawanat » من خرز ونحو ويأتي التفصيل فيهما. نعم. Donc il cite pas le détail tout de suite. Il nous dit que ce qui est voulu ici par les incantations, c'est celles qui sont interdites et celles qui sont semblables aux incantations qui étaient faites par les gens de l'Jahiliya, c'est-à-dire qui celles qui contiennent du shirk, c'est-à-dire le fait d'invoquer autre qu'Allah Jalla wa Ala. Vous avez invoqué Lat, ou l'Uzza, ou Manat, ou les djinns, ou les anges, ou je ne sais quoi, le fait d'invoquer ou de citer des shirkiyats. Entre autres, le fait d'invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'isti'adha ou l'istighatha bighayrillahi ta'ala. Et, comme on l'a déjà dit, at-tama'im, le pluriel des tamima, c'est quelque chose qu'ils accrochaient soit sur leurs bêtes, soit au cou de leurs enfants, qui était fait à partir de pierres ou de coquillages ou quoi, et par lequel il recherchait à repousser l'aïm. Et il dit que le détail concernant ces deux choses-là, ça va venir dans ce chapitre, un peu plus loin dans le chapitre. Comme on l'a dit, concernant Ruqa, on va voir que Ruqya, il y a plusieurs sortes de Ruqya. De Ruqya qu'on appelle Shar'iyya, c'est-à-dire, c'est comme celle qu'on vient de voir, le hadith qu'on vient de voir, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dhihib al-Bas, Rabb al-Nas, Washfi al-Tashafi, l'akhiri. Donc, une dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait pour, comme, il l'a utilisé comme guérison, comme sabab pour la guérison, que qu'Allah jalla wa ala guérisse le malade. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle ruqya shar'iyya. C'est ce qu'on trouve dans la législation, dans les hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans le Coran. On verra qu'il y a une ruqya qui est mubaha. On verra ça, on ne va pas commencer à détailler maintenant parce qu'on va y revenir après, inshallah. Donc après, il dit, donc concernant ces deux choses, il y a des détails, donc il va en revenir après. Comme on l'a dit, tamima, les talismans, il y a un détail dans le fait concernant les talismans qui sont faits avec des versets du Coran ou avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une partie des salafs qui ont interdit et qui ont dit que ça rentrait dans le hukm des autres talismans, comme Abdullah ibn Mas'ud, et il y en a d'autres comme Abdullah ibn Amr ibn al-As qui voient que c'est permis. Donc il y a un khilaf entre les salafs. On se dit, wa tilawatu mamnu'atun mutlaqan ijma'an. قال الحافظ والتلوات بكسر التاء وفتح الواو شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو درب من السحر وإنما كان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى وقال علي رضي الله عنه إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوها ورواه وكيع والإمام أحمد تقدمت ترجمته. Concernant التولى, puisque encore une fois dans le hadith ici, il cite trois choses. Il dit إن الرقى والتمائم والتولى. الرقى, les incantations, والتمائم, les talismans, Wattiwala. Tiwala, c'est quoi? Il nous dit que Tiwala, c'est du shirk mutlaqan. Il n'y a pas de détails concernant Tiwala et c'est quoi? Le Hafidh ibn Hajar, rahmahullah ta'ala, il dit que c'est quelque chose que la femme, elle fait pour attirer l'amour de son mari. Il dit que c'est une sorte de sorcellerie, de sihr. Et c'est du shirk, pourquoi? Parce que c'est le fait de rechercher un bien ou à être touché par un bien ou à repousser un mal par un autre qu'Allah Jalla wa'ala. Encore une fois, par un sabab qui n'est pas légiféré, par quelque chose qui est interdit. Et Ali radiallahu anhu, il disait que beaucoup des incantations, des talismans rentrent en réalité dans le shirk. Et écartez-vous-en. Rapporté par Waqi', on a vu la ترجمة الإمام أحمد إلى ستافون يدي وأبو داود والإمام الحافظ سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن الشداد ابن عمرو ابن عمران الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد صنف السنن والمراسل وغيرها ولد سنة 202 وتوفي في شوال بالبصرة سنة 275. وفي سنة 75 بعد 200. Voilà, ici nous dit que l'imam Abu Daoud, donc c'est l'auteur de Sunan ou Al-Marasil et l'akhir, yani. L'imam Abu Daoud, il est connu, donc c'est celui qui a écrit Sunan Abu Daoud. C'était un des compagnons et un des élèves de l'imam Ahmed. Non. Ensuite, le hadith suivant est rapporté par Abdullah ibn Ukaym marfou'an. Man qala salawatullahi wa salamu alayhi man ta'allaqa shay'an wukila ilay. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi. Donc, hadith d'Abdullah ibn Ukaym marfou'an, c'est-à-dire rapporté, chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui s'accroche à quelque chose, il y est confié, c'est-à-dire que Allah jalla wa ala, il le confie à ce à quoi il s'est accroché. Accroché, on verra, ta'alluq, par la croyance, le fait de s'accrocher à quelque chose par la aqida. Rapporté par l'imam Ahmed wa al-Tirmidhi. Et il dit wa ukaym bid-dam al-ayn al-muhmala musaghar wa yukna aba ma'bad al-juhani al-kufi. Mukhadram. قال البخاري وغيره أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. ذكر أنه جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة قبل وفاته بشهر قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدينة في حيث حذيفة وكان ثقة. وروى عن ابن أبي الليل وابن وهب والوزان وغيرهم متى في امرأة الحجاج. دونك عكيم وعبد الله بن عكيم il était sa cognée, c'était Abu Ma'bad al-Juhani. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est que l'imam al-Bukhari et d'autres comme Abu Hatim al-Razi, ils disent qu'il a bien atteint l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc ce n'est pas un compagnon, mais c'est un tabi'i. Et donc, il s'agit d'un hadith qu'on appelle le Mursal. C'est un hadith rapporté d'un tabi'i qui rapporte, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Hadith, donc, on appelle ça Mursal. Donc, pour la majorité des savants, c'est un hadith qui est Mursal. Il a évoqué qu'il y a un livre de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une risala, une lettre qui lui est parvenue de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est Juhayna avant sa mort d'un mois. Donc il aurait reçu une lettre, ou ils ont reçu dans sa tribu, la Juhayna, ils ont reçu une lettre de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam un mois avant sa mort, où il y avait certaines directions. Entre autres, il y avait aussi une mas'ala qui est connue dans le fiqh al-hanbali, qui est connue dans le fiqh tout court, le fait de, est-ce que la peau d'une bête morte, elle est halal si elle a été tannée? La peau de la bête morte tannée, est-ce qu'elle devient pure ou est-ce qu'elle est toujours impure? Et là, il y a un khilaf entre les ulama. Et une des paroles du Madhhab al-Imam Ahmed, ils disent que même si tu la tannes, elle reste toujours impure. Et ils se sont basés sur un hadith rapporté par Abdullah ibn Ukaym. Et cet ordre-là, donc ce hukm-là de la peau tannée, il était dans cette fameuse lettre qu'il a reçue un mois avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la majorité des fuqaha comme Shafi'i ou Malik et tout, ils prennent pas ce hadith-là justement parce que c'est un hadith d'Abdullah ibn Ukaym et que c'est un hadith qui est mursal. Ils prennent pas le mursal. Et en plus, il y a beaucoup de hadiths dans le Sahih où la peau, une fois qu'elle a été tannée, elle est tahir. On peut l'utiliser, elle est pure. Bref, le muhim, c'est que le Bukhari, Abu Hatim al-Razi et tout. Bon, il y en a d'autres qui disent qu'il y a d'autres versions du hadith qui renforcent le hadith, etc. Mais Allahu alam. Hadith qui est mursal, à la base. Et il est mort à l'époque de la Hajjaj ibn Yusuf. Et l'imam al-Tirmidhi, il dit Hassanun Gharib. Hassanun Gharib. Il est aussi rapporté par Abu Daoud, par Nasa'i et d'autres. Min Turuq, c'est-à-dire qu'il a plusieurs chaînes de transmission. Et c'est pour ça que certains ulama disent qu'il est quand même accepté comme preuve, puisque certaines chaînes de transmission ou les chaînes de transmission se renforcent les unes les autres. Donc même si certaines ont une faiblesse, au final on arrive à en faire un hadith qui est maqboul. Li Hassan li ghayrihi, comme ils appellent ça, Hassan li ghayrihi. Wallahu a'lam. Il dit wa ta'alluq yakunu bil qalbi wa yakunu bil fi'li wa yakunu bihima jami'an. C'est-à-dire le fait de s'accrocher à ce talisman-là ou à une autre chose, il se fait soit par le cœur, soit simplement par les actes, soit par les deux. Quand on dit par le cœur, c'est par la croyance. C'est le fait de prendre cette chose-là comme sabab, alors que ce n'est pas un sabab légiféré, mais que c'est un sabab interdit, qu'on n'a pas le droit de prendre. Ça, c'est ta'alluq bil qalb. Ta'alluq bil fi'l, c'est le fait de l'accrocher, soit autour du cou, au mur, ou je ne sais où. Ça, c'est ta'alluq Bilfi'l. Ou parler d'eux. C'est quelqu'un qui va l'accrocher au mur et qui a une croyance en ces choses-là. Et encore une fois, la croyance de Al-Sunna wa Jama'a, c'est quoi? C'est Al-Hukum bil-Zahir. Nous, on juge les gens en fonction des apparences. Ce que la personne, elle croit, on n'en sait strictement rien du tout. C'est pour ça qu'encore une fois, comme on l'a dit de nombreuses fois, les ulémas, quand ils parlent du kufr ou du shirk qui est commis par le cœur, ils en parlent pour expliquer l'islam, pour montrer les différentes sortes de kufr, etc. Pas pour qu'on en juge, nous, de nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est entre Allah et le serviteur. Même s'il y a une implication entre l'intérieur et l'extérieur, entre la croyance, entre l'état du cœur et l'état extérieur des membres, de la parole et des membres, il y a évidemment une implication. Mais nous, ce qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on trouve, encore une fois, dans le chapitre du Murtad, de l'apostat, dans les livres de fiqh, on trouve que le fuqaha, il cite quoi? En général, il ne cite pas des croyances, même si des fois, il cite le shek, le doute. Mais ils vont citer quoi en général? Ils vont citer des paroles et des actes. C'est avec les paroles et les actes qu'on va juger qu'une personne, elle est sortie de l'islam. Pas avec sa croyance dont on n'en a aucune connaissance. Puisque chez Al-Sunna wal-Jama'a, la parole et les actes font partie de la foi. Donc quelqu'un, de la même manière que il doit au minimum pratiquer un minimum d'actes pour accomplir la base de la foi, on sait qu'il peut mécroire par un acte. Et de la même manière, il doit dire un minimum de paroles pour réaliser la base de la foi. Donc de la même manière, il peut mécroire par la parole. C'est pour ça que les fuqaha, ils vont citer des paroles et des actes dans le bab hukm al-murtad, dans le chapitre du murtad. Ils ne citent pas des croyances, ils ne citent pas kufr al-ihtiyat, ils ne citent pas kufr al-nifaq, kufr al-shak, kufr al-juhud, kufr kaza wa kufr kaza. Des choses qui sont dans le cœur, kufr al-istikbar ila akhiri. Ils ne parlent pas de ça. Ça, on trouve ça dans les livres de croyances, de aqidah. Ce qu'on trouve dans les livres de fiqh, c'est des paroles et des actes. Il a insulté le prophète sallam, il a insulté Allah azzawajal, s'est prosterné pour une tombe, il a fait des choses, des actes ou des paroles, qui sont en eux-mêmes des actes d'apostasie. Ici, c'est pareil, pour en revenir au sujet, si encore une fois, à une époque donnée, quelqu'un, il met la main de Fatma, il met un œil ou je ne sais quoi, quelque chose qui est propagé chez les gens comme étant un sebeb, que les gens prennent pour repousser un mal, là on va devoir interdire ce mal-là, ou l'enlever si on peut avec la main. Et encore une fois, si la personne elle prétend qu'elle n'a pas de croyance dans cette chose-là, ça rend l'interdiction, elle est accrochée au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui ressemble à un peuple, il fait partie d'eux. C'est-à-dire dans le fait de les ressembler dans l'interdit. Mais le ta'alluq, à la base, c'est le cœur. Mais il peut être fait par les deux, et encore une fois, il y a toujours une implication entre le cœur et les membres. Après, ça retourne au long chapitre de qu'est-ce que c'est l'iman et qu'est-ce que c'est le kufr. فمن تعلق شيئا وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلق فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه بي والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه أمن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخزله وهذا أمر معروف بالنصوص والتجارب وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. Et donc, celui qui s'attache à quelque chose, Allah Jalla wa Ala, il va le confier à cette chose-là, il va le laisser à cette chose-là. Et comme cette chose-là n'a ni le pouvoir de profiter, ni de nuire, ni de faire quoi que ce soit, la personne, elle est perdue. Et Allah Jalla wa Ala, il l'a abandonné. Il l'a abandonné à celui à quoi il s'est attaché. C'est pour ça que celui qui s'attache à Allah Jalla wa Ala, qui se tourne vers Allah pour qu'Allah lui donne ce dont il a besoin, qui se réfugie auprès d'Allah, qu'il confie son affaire à Allah, Allah lui suffit. Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala kulli shayn qadir, abu kulli shayn alim, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possède le pouvoir de faire le bien et le mal, et c'est lui qui possède tout. Et celui qui s'accroche à un autre que lui, c'est-à-dire celui qui se repose et qui se tourne vers un autre que lui, ou qui se repose sur son intelligence, sur son aql, ou sur son médicament lorsqu'il se soigne, ou sur son talisman et autres que ceci, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va le confier à cette chose-là qui ne possède ni le pouvoir de faire du bien, ni le pouvoir de repousser un mal. Et donc il est abandonné et il est perdu. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît par les textes du Coran et de la Sunna, mais aussi c'est quelque chose qu'on connaît par l'expérience. Quelqu'un qui, dans sa vie, s'est reposé sur certaines choses en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a vu où ça l'a mené, alors que celui qui s'attache à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui tourne son cœur et son visage vers Allah, subhanahu wa ta'ala, lui aussi, il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, et c'est lui qui place ou qui s'appuie, qui place sa confiance en Allah, alors Allah il lui suffit et il n'a pas besoin de ces choses-là, qui encore une fois sont des sabab, soit des sabab qui ne sont pas légiférés, interdits, soit il fait des sabab qui sont permis, mais comme on l'avait dit, il oublie Allah Azzawajal, ou soit il s'appuie sur le sabab, il s'appuie sur le sabab, c'est-à-dire en oubliant Allah, en oubliant Al-Musabbib, en oubliant que c'est Allah Jalla wa Ala qui va créer la conséquence de cette cause-là. Il dit, on va terminer avec ça, « Wa akhraja Ahmad an Wahab, awha Allahu ila Dawood, ya Dawood, amma wa izzati, wa azamati, لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيتي فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نياته إلا قطعت أسباب السماء من يديه وأسخت الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي أودياته هلك وشاهده في الكتاب والسنة والأشياء التي يتعلق بها نعم وشاهده في الكتاب والسنة. الإمام أحمد il cite à propos de Wahb ibn Munabbih, Allah alam, Allah Jalla wa Ala, il a révélé à Daoud, Allah wa alam sur l'authenticité de ce récit-là, ô Daoud, je jure par ma puissance et par ma grandeur que aucun parmi de mes serviteurs ne cherche ma protection ou ne recherche que ma protection. En se détournant de ma création. Je sais cela de lui, de son intention. Et alors, même si les cieux, les sept cieux et ceux qui s'y trouvent, et les sept terres et ceux qui s'y trouvent, essayent de le ruser, c'est-à-dire de lui faire du mal, alors je lui mettrai toujours une porte de sortie. Bon, après, c'est la même chose concernant celui qui recherche protection auprès d'une créature en oubliant Allah Azza wa Jal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a le sens du hadith qu'Allah il abandonne à ce à quoi il s'est accroché et que donc il sera détruit d'une manière ou d'une autre. C'est le sens de ce qu'on a cité avant. Et bon, le hadith, le Coran et la Sunna suffisent pour ça qu'il dit wa shahiduhu al-kitab wa sunnah. C'est un texte donc Allah ne connaît pas l'authenticité. Il dit, voilà, on termine avec ça. الأول ما هو السبب فهذا ينظر الأباحة الشرح أولى. والقسم الثاني ما ليس بالسبب فلا يتعلق به بالكلية، والذي يتعلق به يشترط فيه شرطان، أحدهما أن يتحقق أنه سبب، والثاني أن يكون مباحا. Donc, les choses auxquelles les gens s'attachent, encore une fois ici, s'attachent par la croyance, elles sont de deux sortes. La première sorte, c'est ce qui est un sebeb. La première sorte, c'est ce qui est une cause. Là, il faut regarder est-ce que cette cause-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a permise. Des fois, il y a des choses qui sont une cause, et en faisant cette chose-là, peut-être que par cette cause-là, Allah jalla wa ala, il peut me donner ce que j'ai voulu faire. Mais cette cause-là, elle est haram à la base. C'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prédestine ce que j'ai voulu avoir en faisant ce sebeb là, c'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné que j'arrive à obtenir ce que je voulais que ce sebeb là à la base il était permis. Comme on va le citer après. Donc quand quelque chose, on prend quelque chose comme sebeb, il convient de est-ce que c'est quelque chose qui est permis ou non. Il dit la deuxième sorte, c'est quelque chose à la base qui n'est pas du tout un sebeb, et ça évidemment, il n'est pas permis de s'y attacher. Et la chose à laquelle on s'attache, pour résumer, pour qu'on puisse prendre quelque chose comme sebeb, il faut qu'il y ait deux choses. Le sebeb, comme on l'a dit, il est soit connu dans la sharia, comme on avait dit, comme certains médicaments, comme l'asal, le miel, Allah Jalla wa Ala, il l'a cité dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le habba saouda, ou d'autres choses dans la sunna, etc. Ça, c'est des choses qui sont des sebeb shar'i. On trouve des noussous dans le kitab ou sunna, que ces choses-là sont des remèdes contre certaines maladies. Donc, c'est ce qu'on appelle sebeb shar'i. Ensuite, encore une fois, il faut que, comme on l'avait dit, la personne, elle, même après avoir fait ce sebeb, qu'elle se repose sur Allah Jalla wa Ala pour obtenir al-musabbab, c'est-à-dire pour obtenir ce qu'elle veut et ce qu'elle a cherché à vouloir avoir en faisant ce sebeb-là. Pas se reposer simplement sur le sebeb et oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, comme il l'a dit avant, il faut que le sebeb à la base y soit permis. Par exemple, si on prend un exemple, il y en a, ils vont dire que oui, l'alcool ou un peu d'alcool, une petite quantité d'alcool peut être un sebeb pour guérir d'une telle ou une telle maladie. Tu vas trouver un tel docteur, il va dire bois tant et tant d'alcool matin, midi, soir pour traiter un problème. Même si Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait effectivement de cette chose-là un sebeb pour guérir de cette maladie-là, on n'a pas le droit de le prendre comme sebeb parce que ce n'est pas un sebeb permis. Khamr à la base, c'est interdit. Même en petite quantité, on ne peut pas le boire. Donc, ce sebeb-là, on ne peut pas l'utiliser comme sebeb. Ce n'est pas un sebeb qui est permis. Et le mal que renferme ce sebeb-là est plus important que le bien qu'il peut apporter. Là. Donc ça retourne toujours à la règle des sabab. Donc le sabab, il faut qu'il soit légiféré, ou alors il faut qu'il soit connu, comme on avait dit, par l'expérimentation, comme c'est la base aujourd'hui quasiment dans tous les médicaments qu'on connaît, qu'on prend. On a dit que les médecins, après expérimentation, observation, etc., ils savent que telle molécule, il y a dans telle molécule, il y a une cause pour guérir telle maladie. Il y a un effet dans cette, même si évidemment c'est Allah qui guérit. Donc prendre le sabab qui est permis et ensuite se reposer sur Allah Jalla wa Ala, pas sur le sabab. Tu trouves, il y en a qui font le sabab mais après ils oublient Allah. Lui, il a fait le sabab, khlas, il repose sur le sabab et pour lui, ça, le musabab, il va se produire. C'est pas qu'il a croyant, il a la croyance que le sabab, il possède en lui-même le pouvoir de créer, de donner la guérison. Si tu le demandes, tu lui dis, ouais, c'est le cachet là qui va te guérir. Il va dire, non, c'est Allah. Mais au moment où il a pris le cachet, ça y est, pour lui, il va guérir, c'est sûr. Il oublie Allah. Il oublie de se reposer, d'espérer en Allah Azzawajal. Ça, c'est une sorte de shirk asghar. Inch'Allah, on va arrêter là pour aujourd'hui. Continuera la prochaine fois. Il va rentrer dans le détail concernant justement Ruqa wa Tamaim, qui a des détails dans ces deux sujets-là, contrairement à Tiwala. Tiwala, donc, qui est une sorte de sihr, de sorcellerie, donc, dans laquelle il n'y a pas de détails sur le fait que c'est haram. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.